Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse La diversité et les scènes françaises, une série de Stéphane Bonnefoy réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a ceux qu'on ne voit pas dans les fictions et une filmographie où les rôles dévolus aux Noirs racontent une société raciste qui s'ignore. Il y a des rôles d'esclaves qui ne disent pas leur nom, une culture bourgeoise et blanche, des portes qui peinent à s'ouvrir et ceux qui se faufilent jusque dans les écoles. Alors pour commencer, les personnages. D'anciens décrocheurs, des apprentis cinéastes, des étrangers, un ingénieur du son débutant, une réalisatrice en herbe et un jury bienveillant. Ensuite, le décor. Une camionnette, un tournage, la mixité et la parité, des répétitions, des cours de cuisine, les rues de Lyon, du gruyère et un peu de ruralité. Aujourd'hui, 4e épisode, silence plateau demandé. Ouais, voilà, on tourne demain. On prépare, on va aller charger dans la Kangoo. Tout le matos de demain. Et voilà. Et on est à la bourre du coup parce qu'on est que 3 au lieu d'être 6. En fait on est 4 maintenant. Bon du coup là on a 4 Fresnel. Et du coup il nous faut le SL1 et du Bornuel. Plan large sur l'école de la Cinéfabrique. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anna Schmuck. Du coup, il y a 3 cycles. 5 tournages en même temps. Ouais. Il y a 3 cycles. Il y a 5 divisé par. Il y en a 20. Enfin, il y en avait déjà un. Ouais, 3. Et 4 principaux points. Et décor de mine là, tu m'as dit quoi? Et 3 décors de mine. Il s'appelle Suzy, Shakib, Nicolas, Louise, Ala ou Armen. Ils viennent du Jura, d'Italie, de Bourg-en-Bresse ou de Syrie. Ils sont fils ou filles d'enseignants, de chômeurs ou d'agriculteurs, titulaires d'un BEP ou d'un master. Depuis 2005 et les émeutes de Clichy-sous-Bois, le cinéma français tente de s'ouvrir. Programme Égalité des chances à la FEMIS, Commission Images de la diversité au Centre national du cinéma, le CNC. Mais la Cinéfabrique est la première école nationale supérieure à exister loin de Paris. Née à Lyon, il y a 2 ans, à l'initiative du réalisateur Claude Mouriras, qui élabore avec ses élèves, et sur 3 années, la pédagogie d'une école dépourvue de professeurs attitrés. Gratuité totale, parité homme-femme, mixité sociale, professionnalisation des étudiants, la Cinéfabrique casse les codes des formations du genre, dans l'espoir d'élargir l'imaginaire du cinéma français. Ici, la diversité n'est pas un vain mot. Mais plutôt que d'origine ou de discrimination positive, c'est de soif et d'appétit dont on préfère parler. Un vent de fraîcheur souffle dans les couloirs de la Cinéfabrique. Et bientôt, c'est à espérer, sur le cinéma français. En fait, c'est pour tournage. Vous avez vu, c'est quoi le tournage du film? C'est le tournage Tom, du coup, nous on est en projet où il y a 5 personnes dans le Cinéfabrique qui le réalisent. Toi tu fais quoi? T'es en première année, c'est ça? Oui, je suis en première année, section son. Ouais. Tu as un petit accent. Oui. D'où est-ce que tu viens, Armen? Je viens de Russie, mais ma mère elle était arménienne, mon père était russe. Et, cet accent, je peux dire carrément que c'est un mélange de 3 langues en même temps. Anglais, russe, arménien, tout ça en même temps. Dans l'école, bah, tout le monde il vient un peu de partout. On peut dire que c'est vraiment un mélange où on a plein de choses à raconter, on a plein de choses à partager, on a plein de choses et chacun il a ses différentes cultures. Et en ce terme-là, on est vraiment tous différents. Mais c'est bien. C'est étrange, ils sont notés. Ils sont notés 11 gueuses. Ils sont notés 6. peut-être, non? Ah si. Non mais en vrai, je pense qu'on va faire plus simple. Celui-là, sur ce câble qui est ultra large, on va se laisser sans lumière, on va garder le joker en glissant et au prochain plan on va être beaucoup plus serré et là on va pouvoir poser nos projos tranquillement. Parce que là il va pas être assez sans se faire chier. Enfin, il va rien. Ouais, ouais, non mais surtout il serait forcément dans le champ. Okay. Donc on peut dire à madame la réalisatrice. Mais je te l'installe quand même. Ouais, comme ça on aura juste à le bouger. Séquence première. Extérieur jour. Cours du musée des Beaux-Arts de Lyon. Trois acteurs d'un certain âge assis sur un banc. Une histoire de 68 arts sur le retour. Suzy, Armen et d'autres s'activent autour d'Elsa. Premier plan. Le problème, c'est la bouteille de champagne. C'est-à-dire justement, c'est pour ça que je commence par... On a deux bouteilles. Ah, il y en a deux. On en a deux. Ah, sympa. Ah bah oui. Faut doubler, oh, pour la sécu. Donc, moi je pensais avoir la bouteille qui pète sur ce plan large. C'est très très large, plan d'ensemble. Oui. Après, on peut peut-être le refaire sur l'autre plan. On est plus rapprochés, mais ils sont quand même bien. Tous les trois dans le cadre. Ça serait bien. Mais par contre, voilà, niveau raccord, faudrait qu'ils refassent toujours sans arrêt le même jeu. Ça, on peut pas. Je peux pas leur demander maintenant, ou alors faut faire 4 mécaniques avant, quoi. Enfin, tu vois. Parce que là, ils ont tout juste le texte, donc, enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais on peut faire plusieurs répètes, enfin plusieurs mécaniques, et puis après, quand je sens que le jeu s'est installé, on envoie, quoi. Et bah, super, nous on est prêts. Ok. Que la fontaine ne marche pas sur ce pont-là, c'est embêtant ou pas? Mais en fait, moi, j'ai jamais été pédagogue. Donc, moi, j'ai une carrière de cinéaste. Et j'ai l'impression qu'on invente cette école comme on crée un scénario et comme on fait un film. C'est-à-dire que, bien sûr, on change tout. On rechange les dialogues au dernier moment, y compris au montage. On va rechanger la dynamique. Et il y a un moment donné, on est en chemin. Et je trouve que c'est important d'avoir ce sentiment de ne jamais savoir, surtout dans une école. En faisant le trajet, Suzy, vous pouvez juste nous dire de quoi parle le film? Alors, c'est 368 arts qui vont semer la pagaille dans un meeting politique. Et du coup, ils viennent fêter leur victoire ici au parc et vont rencontrer une jeune femme qui va un peu les bousculer dans leur conviction de révolutionnaire, en fait. Et là, qu'est-ce que vous faites, vous, sur le tournage, vous? Je suis assistante réalisatrice de Elsa. Et du coup, j'ai fait en sorte que tout soit coordonné en fait entre chaque corps de métier et qu'on soit à l'heure. Et là, vous occupez? Bah, du coup, vu qu'on est une petite équipe, on fait un peu tout aussi. Du coup, je vais chercher le shampoing pour faire la répétition. Ils sont sobres, 68 heures, ce shampoing? Ouais, mais du coup, en fait, ils ont le champagne, mais c'est pour qu'ils boivent faire semblant, en fait. Ils sont moins tristes. Ah voilà, le je te l'ouvre ou quoi? Non, ça c'est non, c'est eux. Ah, dégueulasse. Le pas ça, pas tir bouchon. J'ai mis les verres ici. Alors le but c'est que là, donc je prends tous les textes. Allez, les textes, c'est fini. Quand on a parlé avec les étudiants, il y a des mots qui reviennent souvent. C'est de dire qu'ils ont droit à l'erreur. Ça, c'est une notion importante pour vous, Claude Monvieras? Oui, pour moi, l'erreur, elle est essentielle dans un rapport artistique. C'est-à-dire que si on fait plusieurs prises dans une scène, c'est parce que la première ne va pas, parce qu'on cherche quelque chose d'autre. Et il n'y a rien de plus triste que ces plans, que ces prises qui s'enchaînent et où c'est le même. C'est la reproduction de la même idée. Il n'y en a pas eu deux de mise en scène. Voilà. Je pense qu'au contraire, il faut que... ils puissent oser s'aventurer, quoi, ailleurs. C'est rigolo, hein? Tiens! Traquez avec nous! Coupé! Oh. Super! Il m'a bouffé la bouche! Ouais, alors là, il y a eu des problèmes de réplique. Hein. C'était bien, sinon. Alors, on se remet sur le banc, un petit point. Là, on va faire avec une vraie bouteille. On va passer avec la vraie bouteille. Tout de suite? Ouais. Non, mais Tu es sûr de résultat? Ou alors on va faire un deuxième. Bah oui, deux, trois, quand même, pour être deuxième. Sûr. Mais en fait, parce que t'as dit qu'il n'y a que deux bouteilles. Alors là, ce qui était bien, c'est que vous aviez une spontanéité qui était super au début et qu'il faut que vous continuiez vraiment. Je vous encourage à le garder parce que c'était superbe. Allez, santé, tout ça, allez, un petit coup, on les a bien eu, enfin voilà. Après, pensez vraiment que vous sortez de ce meeting, donc il faut que vous soyez peut-être un petit peu plus exalté encore. Dany, c'est bien, mais Kamel et Jean-Claude, un peu plus exaltés de ce que vous venez faire. Et puis, si quelqu'un oublie son texte, Kamel, c'est pas grave. D'accord. Tant pis, vous continuez, il faut pas que tu dises attends, là c'est qui, parce que sinon, nous on va le voir à l'écran. D'accord. Et comme là c'est un plan large, c'est pas très grave. Le but, c'est l'idée de l'école, elle est venue d'une constatation, c'est que il y a un moment donné, c'était une constatation que j'avais faite aussi au CNC quand j'étais vice-président de l'avance sur recette du court-métrage. On a l'impression d'avoir trop souvent des projets qui sont un petit peu formatés, qui viennent toujours des mêmes endroits, qui sont portés un peu par des personnalités qui renvoient un peu au même. Et je pense que dans nos milieux, le fait de rester entre nous, le fait de cultiver cette idée du même, elle peut être très très dangereuse, même si c'est une force, mais si c'est un réseau, même si la communauté peut être quelque chose qui est constitutif d'un geste artistique. Je crois que le fait d'ouvrir et le fait de permettre à des gens qui viennent d'ailleurs, c'était vraiment une des idées de l'école. Après, c'était l'envie aussi de ne pas faire une école parisienne, de ne pas être à Paris, et de s'ouvrir sur d'autres paysages, sur d'autres territoires, sur d'autres accents. Pour nous, c'était important. Et donc, du coup, cette notion de diversité qui était au cœur de l'école pour nous, elle ne s'entend pas du tout simplement une diversité d'origine, mais aussi une diversité de point de vue, une diversité d'âge. Là, aujourd'hui, ils ont entre 18 et 25 ans, une diversité de formation. Il y en a qui ont à peine le bac, d'autres qui ont des master, et que je pense que c'est ça qui fait la richesse de l'école, parce que c'est ça aussi qui fait la richesse d'un art, c'est quand il y a plein de gens différents qui s'en emparent. Bon, quel bilan vous tirez après deux années d'ouverture, Claude Mouriras? Et ben voilà. J'espère que le bilan que je tire après deux années d'ouverture est le même qu'au bout de deux semaines, et j'espère que ce sera le même dans 10 ans, c'est de ne pas être sûr. Je pense que le pire qui puisse exister dans une école, c'est de reproduire d'année en année exactement le même projet pédagogique, exactement la même manière de faire, parce que tout autour de nous change. C'est-à-dire que l'industrie bouge, la manière de faire des films bouge, les étudiants que vous avez dans une école ne sont pas les mêmes d'une année sur l'autre, les équilibres de groupe ne sont pas les mêmes. Il y a une phrase de Beckett que j'adore, c'est « essayer encore, rater encore et rater mieux ». Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, je n'ai jamais bien compris cette phrase-là, mais je crois qu'elle est essentielle déjà au geste artistique et aussi au geste de vivre. C'est bon? C'est... Eh bien, allez, action. Action. Je laisse faire l'action, donc il ouvre la bouteille, j'ouvre la bouteille, disons. Je serre les verres. Ok, et puis moi, c'est comment savoir que c'est ouvert? Oui, oui, mais comment je sais que... Mais je vais te donner les... Il va prendre ta main et va te pencher le verre. Tu donnes le verre. Voilà. Voilà. Et puis là, je dis, à la lutte et à la nôtre. Et à tous ces beaux culs que tu veux rappeler. Oh, qu'est-ce que vous pouvez dire comme connerie, les mecs. Et là, il n'y a pas de gonzesse. C'est lié, en fait. Dany pense que c'est lié. Il n'y a pas de gonzesse pour fêter ça. Ben non, aujourd'hui c'est mardi. Pas de visite guidée. Ah oui, on est seul. C'est-à-dire que tu peux aller chauffer en bas, du coup, s'il te plaît. Ah, c'est gentil, merci. Merci. Alors Nicolas Sanchez, vous êtes étudiant en deuxième année à la Cinéfabrique. Ouais. Pourquoi avoir choisi la Cinéfabrique comme école de cinéma? Bah parce que moi j'ai pas un profil de personne qui a fait que des études supérieures, j'ai fait un BEP et ainsi de suite. Du coup, je sais pas, je me sentais peut-être plus proche entre guillemets de cette population étudiante là que d'une population plus habituée aux concours, aux grandes écoles, tout ça. Moi j'avais jamais tenté de concours avant celui-là. Le fait que l'école ait pas de filière de réalisation, moi ça m'a permis d'aller vers la réalisation alors qu'à la base c'était pas mon projet. C'est que donc moi en fait il y a 5 parcours, donc montage, image, son, scénario, production. Et moi, je suis rentré en scénario avec l'idée que comme j'avais pas de capacité technique et que j'étais intéressé par l'écriture, je pouvais toujours développer ça, quoi. Et donc, j'étais pas du tout dans l'idée de réaliser parce que c'est un poste un peu leadership, la réalisation, c'est complètement autre chose. Et donc, l'école m'a donné l'opportunité d'aller vers la réalisation. Et même si je me fantasme pas maintenant en réalisateur, j'ai conscience d'à quel point ça aide pour écrire. Et aussi, c'est une situation intéressante, quoi. Le fait que tout le monde puisse passer en réalisation, ça offre un autre truc aussi dans le rapport entre les élèves, qui est que qu'on n'a pas une section de chef, en fait. Puisque le problème, l'écueil de la section de réalisation, c'est que forcément, c'est une section de chef de projet et de patron, entre guillemets. Et je suis pas sûr que ce soit très sain dans le milieu étudiant déjà d'avoir le rapport hiérarchique hyper construit, en fait. Le fait que la première année soit en tronc commun ici, ça fait que chacun a touché à peu près tout le matériel et tous les postes, donc il est conscient des besoins et des impératifs de tous les postes. Du coup, encore une fois, dans l'idée du faire ensemble et de briser un peu la hiérarchie et tout, on arrive à un truc qui roule un peu mieux, où il y a un peu plus de confiance entre les gens, je trouve. Je sais que, par exemple, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de scénaristes, au final, qui ont fait, comme moi j'ai pu le faire, à la fois du cadre sur un plateau, de la régie, de la prise de son, et du repérage, ce genre de choses, quoi. Voire, j'ai même déjà conduit le... J'ai l'âge de pouvoir louer les camions, donc j'ai souvent le camion. Pourtant, à la base, je suis scénariste sur le projet, et je me retrouve dans l'équipe de régie, donc c'est quand même hyper gratifiant, je trouve, de pouvoir faire plein de trucs différents, en fait, de pas se sentir utile qu'à une seule chose. Parce que de toute façon, c'est une illusion de croire qu'on peut faire qu'une seule chose. Donc, Ok, donc tout le monde a fini, là, de lire le scénar. Donc, comme on vous disait, là, l'idée, c'est d'avoir une discussion assez libre sur, comme dit Karine, la question... Première question, si vous êtes producteur, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et puis d'essayer d'argumenter un petit peu tout ça, en restant pour l'instant sur des questions de artistiques. On abordera les questions de production un peu plus tard. Donc du coup, pour nous, de l'examen d'entrée, je trouve que c'est la chose fondamentale. C'est-à-dire que pour nous, moi je dirais qu'une école, c'est à 60-70% la manière dont on sélectionne les gens qui vont rentrer dans l'école. Après, on a beau faire des pieds et des mains, mais si c'est pas les bons qui rentrent, voilà. Et je pense que c'est aussi les bons cette année-là. C'est-à-dire que pour nous, c'est vachement important cette notion de groupe. C'est-à-dire que c'est pas simplement les meilleurs. Nous, on n'est pas attentifs à simplement qu'ils soient très très bons, mais comment est-ce qu'ils bossent ensemble? Comment est-ce qu'ils vont être les uns vis-à-vis des autres? Et en quoi leur diversité et leur différence va pouvoir les enrichir? Et je pense que c'est cette notion de dynamique de groupe. C'est pour ça que nous, on a pas mal passé de temps sur cette problématique du concours. Donc c'est un concours qui n'est pas discriminant à l'écrit. Il y a 3 tours dans le concours. Donc là, par exemple, cette année, on a 1100 candidats qui présentent l'examen d'entrée. Donc le premier tour, ils peuvent le faire chez eux et depuis Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre un billet de train pour se rendre à Paris. On n'est pas à 4000 dans une même pièce. Enfin voilà. Et donc du coup, ils peuvent faire ces épreuves sur un site qu'on a construit avec des serious games, avec des choses qui ne leur demandent pas déjà un savoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la culture générale. On va pas leur demander si Godard, machin, etc. On va leur demander un appétit, un désir, une intelligence, être plutôt dans leur capacité, de quoi ils sont capables à terme. Pareil sur le niveau technique, c'est-à-dire on essaye plus de voir en quoi ils sont capables d'analyser quelque chose plutôt que d'avoir des connaissances. À l'issue de ce premier tour, il n'en reste plus que 250, mais il en reste quand même 250. Et pour nous, c'est très très important qu'il y en ait quand même 25% qui soient choisis. Et du coup, le deuxième tour, c'est donc une journée de travail à l'école, que ça soit à Paris ou à Lyon. Là, on fait 2 sites aussi pour pas discriminer sur la possibilité de se payer un billet de train. Et on passe toute une journée ensemble. Et ils sont donc, il y a 2 examinateurs pour un groupe de 6. Donc il y a un rapport assez proche. Et là aussi, on retrouve une des fondamentales de l'école, c'est faire ensemble. C'est-à-dire comment est-ce que quelqu'un va être réceptif à ce qu'on lui dit, quelqu'un va être attentif à ce que lui dit un intervenant et donc va pouvoir changer sa pratique. Et le troisième tour, donc à l'issue de ce deuxième tour, il n'y en a plus que 60. Et le troisième tour, c'est une rencontre avec un jury qui est composé de chacune des professions qui sont dans l'école. Alors là, on est à la SACD, dans la partie de la Maison des auteurs, pour le deuxième tour de l'examen d'entrée de la Cinéfabrique. Donc c'est une journée où les candidats sont convoqués sur la journée complète. Le matin, ils sont dans leur section, en fait, dans le département qu'ils demandent. Donc, là, par exemple, on croise des candidats son. Donc, ils sont avec des intervenants qui sont en son et ils font des exercices. Il y a un entretien individuel et il y a aussi une partie collective, tous ensemble. Là, on va aller voir les sons lors d'un entretien individuel. Séquence 2, intérieur jour, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Paris, 27 juin 2017. Une pièce exiguë avec ambiance de travaux au loin, travelling avant sur deux ingé-sons, Ludovic et François, requalifiés en examinateurs. Une candidate à l'épreuve. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Sarah ? Je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans. Je viens de Strasbourg. J'aimerais bien rentrer à la Cinéfabrique en son, parce que j'aimerais bien travailler dans un métier du son. Soit ingénieur du son, soit la post-production m'intéresse aussi énormément, le montage principalement. Cette année, j'étais en art du spectacle à l'université de Strasbourg. Bon, ça m'a pas trop plu, parce que y a pas vraiment, pas spécialement de pratique, en fait, et rien qui concerne le son, dans tous les cas. Est-ce qu'il y a un film dans la bande son que tu trouves vraiment réussi ? Il était une fois dans l'Ouest. Et pourquoi ? Ce qui m'avait intéressé avec ce film, c'est que comme c'était tourné dans le désert, ils ont tout dû refaire en studio. En tout, il y a 4 pages de dialogue en tout, pour les 3 heures de film. Et du coup, ce que j'ai aimé aussi, c'est le silence dans ce film. Le vent, le sable et le silence. Et c'est quoi pour toi alors le silence ? Plutôt le silence humain, on va dire. C'est-à-dire pas de bruit de pas, pas de voix. On peut dire que c'est pour moi, on peut dire que c'est silencieux quand on entend juste la nature sans que l'humain interagisse. Voilà. Après, il peut y avoir le silence absolu, mais bon. Mais dans ce film, c'est pas trop ça. Qu'est-ce qui, pour toi, est silencieux ? Qu'est-ce qu'il y a comme événements sonores qui font qu'on ressent du silence ? À un moment, il y a un immense plan large sur le désert où il y a, je sais pas comment ça s'appelle, les herbes en boule. Oui, les herbes en boule qui roulent. Et ce plan, il dure presque une minute. Et juste ça, le vent. Et on est posé on est bien ancré presque dans la réalité du film. Et c'est pas du tout ennuyant, en fait. On écoute, on regarde, le plan est fixe. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ça et quand tu vois un film comme ça ? Qu'est-ce que je ressens ? Là, c'est plutôt une pause. Moi, je vois ça comme une pause. Le spectateur a pris plein d'éléments dans la tête. On fait une pause, on regarde, on écoute, et ça permet après de se relancer. Ça bombarde pas d'informations, quoi. Et si tu devais un petit peu analyser ton ressenti du silence de cette pièce ici, qu'est-ce que tu dirais ? Silence, il y a quand même les travaux, quoi. Mais c'est pas un silence agréable ici. C'est assez lourd. Déjà, je le trouve pas complet ce silence. On entend des gens à côté, on entend les travaux à côté. Il y a un léger bruit de soufflerie. Et ça te met dans quel état ? Franchement, au bout d'un moment, ça m'énerve. Enfin, après, j'aurais besoin d'aller dans une pièce beaucoup plus silencieuse comme l'auditorium. Je peux pas rester 2 heures ici, par exemple, se concentrer ici pour travailler. À part si je mets des boules caisses, non. Et voilà. S'il y a un son que t'aimerais enregistrer ? Je réfléchis. T'as le temps. On n'est pas pressé. Une voix très grave. Qui essaierait de rassurer quelqu'un ou de se rassurer lui-même. Ok, eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci Sarah. Écoute, pour moi, elle fait partie des gens qui sont très adaptés à cette école parce que pas beaucoup de connaissances techniques, mais beaucoup d'envie et très déterminée à faire du son. Il vient pas par hasard, et du son au cinéma, et elle en parle bien, elle prend des bons exemples de films, elle était une fois dans l'Ouest, elle n'a pas pris le meilleur exemple dans le film où il y avait des séquences très travaillées sur le son, mais c'est beau l'histoire. J'ai voir si elle a un peu sa sensibilité, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu enfoui encore quand même, quoi. Peut-être qu'elle est très timide et puis je sais pas, non. T'as trouvé que ça allait ? Écoute, moi je l'ai trouvée assez touchante quand elle parle du son. Ouais, elle arrivait à parler du silence, oui, arrivait à parler. C'était étonnant, une voix grave qui la rassurait ou qui rassurait quelqu'un. Dans le film Sergio Leone, ce long plan effectivement avec rien, juste du silence, c'est intéressant de voir. Surtout ouais, de nos jours, du temps donné comme ça pour la contemplation, c'est quelque chose d'original. J'aime bien. Ouais. Non, c'est bien. Bah hier, il y avait une jeune fille, super. L'an dernier aussi, moi, j'avais fait rentrer deux filles, super bien. Une jeune fille qui travaillait à l'usine à Lyon, et qui était hyper intéressante, qui avait tenté le concours l'année d'avant, mais qui ne l'avait pas eu. Et entre-temps, elle est retournée travailler à l'usine, et elle l'a repréparée, et elle était super. Pour l'instant, toutes les filles qu'on voit sont très bien. Il n'y en a pas beaucoup, alors c'est bien. Après, je pense que le profil idéal pour la cinéfabrique, c'est quelqu'un qui montre une vraie détermination, une vraie sensibilité et qui n'a pas forcément de formation technique au départ. L'idée, c'est d'avoir un petit peu des talents bruts qu'il faudrait un petit peu perfectionner techniquement. Puis c'est dur, leurs petits entretiens, là, n'empêche. Ah ouais, même si on essaie d'être bienveillant, par des petits sourires, d'essayer de les mettre en confiance, c'est pas facile quoi, de répondre à des questions comme ça. Ouais, c'est très personnel. C'est ça, le son, ça touche vachement à l'intime en plus. Quoi. Ouais, tu vois, quand on leur demande un souvenir sonore de leur enfance, alors il y en a qui sortent des fois des trucs. Hier, qu'est-ce qu'il y a eu ? Le cri de son père la nuit dans les cauchemars, il savait pas si c'était un cri de peur ou s'il devait avoir peur pour son père. Enfin, c'était... Ouais, des fois, il y a des trucs assez surprenants. Où il y avait un type l'an dernier aussi, super, qui m'avait dit je lui demande de décrire le silence de la pièce. Et c'était un jeune Haïtien qui venait de débarquer en France, qui travaillait dans une épicerie en Bretagne. Et il me dit très vite, ce silence pour moi, c'est le même silence que le bureau où j'ai fait mes demandes de permis de séjour. Mais c'est vrai que le son touchant tellement à l'intime et au sensible, par moments, on sent que c'est un peu délicat. Quoi. Ils sont tout jeunes, donc ils ne savent pas trop encore s'exprimer par rapport à ça. Quoi. Bonjour. Il ne faut pas oublier que l'idée de la diversité, elle découle du concours qui est non discriminant. Parce qu'il est peu écrit, ou qu'en tout cas l'écrit n'est pas jugé, mais c'est vraiment la capacité à inventer, à s'impliquer dans un projet, ainsi de suite, qui est mesurée. Bah, du coup, on obtient des gens qui ont des profils très différents, quoi, à travers le concours. Parce qu'une école, par exemple, comme la FEMIS, qui a un concours très dur... En fait, quand on parle de l'écrit, c'est-à-dire que c'est pas une question d'orthographe, c'est une question d'être capable de faire une disserte de 5-6 heures d'analyse filmique, ce genre de truc. C'est-à-dire que pour être capable de faire 4 heures d'analyse hyper pertinente sur un film d'auteur russe, il faut avoir fait un parcours type fac ou lycée avec une option cinéma, ainsi de suite. C'est ça, c'est que l'écrit est souvent très discriminant parce qu'il est relié à une culture académique. Et là, on est dans l'écrit complètement parce qu'au concours, y a beaucoup d'écritures instinctives, d'inventions un peu type écrire 4 histoires avec les mêmes éléments mais 4 histoires différentes. Et ça, c'est clairement pour moi en tout cas des capacités, des qualités d'écriture. Pour autant, ça permet pas de faire un grand essai analytique, quoi. Et c'est là qu'on perd la diversité un peu, je trouve, dans les écoles qui sont un peu trop élitistes dans le concours, quoi. Séquence 3. Intérieur jour, un bureau quelconque. Un footballeur apprenti comédien de 22 ans, repêché par une classe d'orientation et de préparation. Il porte un survêtement, le maillot de l'Olympique lyonnais, mais aussi Ivanov, d'Anton Tchekhov. C'est l'heure des tirs au but pour Chakib. Bonjour, enchanté. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux qu'on relise une fois ça pour voir en le chronométrant ou on se récite quand même Ivanov avant de se laisser? Ouais, on fait une italienne d'Ivanov. Tu vois, comme tu veux. D'habitude, on déambule en fait. Vas-y. Ouais, quand tu veux. Sacha, toi ? Oui, c'est moi, bonjour. Tu ne m'attendais pas ? Ça fait si longtemps, pourquoi tu ne viens plus nous voir ? Sacha, pour l'amour de Dieu, toi ici, c'est une folie. Ta visite risque d'avoir sur ma femme un effet désastreux. Elle ne me verra pas. Je suis passée par l'entrée de service. Je pars tout de suite. J'étais inquiète. Tu vas bien? Pourquoi tu es restée si longtemps sans venir? Déjà, ma femme n'en peut plus. Elle est quasiment mourante. Et toi, tu viens ici. Sacha, c'est fou. Inhumain. Je sens que tu es un peu stressée, non? Ouais, je suis stressée un peu parce que j'ai fait le con, je connais pas mes textes. T'imaginais dans des... Bah, je dis, je passe le dernier tour de la Comédie de Saint-Etienne. Je pars tout de suite, dis-moi au moins... Tu vas... Et ce qui est bien quand même déjà, parce que j'ai jamais fait d'école de théâtre avant. Et ça fait que justement, j'ai pas l'habitude d'apprendre vite des textes ou d'anticiper le temps. Là, ce mois-ci, il est hardcore un peu quand même. Je repasse mon bac, un bac professionnel en accueil. J'ai loupé mon bac en 2013 parce que j'étais un peu con. J'avais les capacités, mais voilà, je suivais des potes et dès qu'il faisait chaud, j'allais me baigner, j'allais pas en cours. Et voilà, bah, j'ai payé, hein. J'ai pas eu mon bac. Ensuite, de juin 2013 à mars 2014, j'ai rien fait de ma vie. Je me réveillais à 15h, je dormais à 4h du matin. Et en 2014, on va dire presque du jour au lendemain, j'ai décidé de partir à Londres. J'ai pris mes bagages et j'ai décidé de tenter l'aventure. J'ai travaillé pendant à peu près 6 mois en restauration à Londres. Et là, je pense que ça m'a fait un petit déclic, ça m'a un peu changé la vie, ça m'a appris à mûrir un peu plus, à un peu devenir un homme, savoir se débrouiller seul. Et surtout savoir que la vie, elle est dure quand même. Et ça fait que je me suis retrouvé encore à rien faire de ma vie. Jusqu'à que je tombe sur un atelier de la Cinéfabrique. J'ai tenté, j'ai réussi. J'ai fait partie du grand métrage. J'ai eu le premier rôle. Et depuis, bah. Ça s'accélère. J'ai réussi à rentrer à la Cinéfabrique en classe prépa. Des fois, je me pose plein de questions. Je me dis, putain. En vrai, ce que j'ai fait, c'est bien quand même. Même si je suis loin de vouloir... je suis loin de mon but. Mais je me dis, regarde là. Si maintenant, jour pour jour, des fois, je regarde mes photos que je garde dans mon téléphone et je me dis, je vais voir comment j'étais il y a 3 ans, à ce jour-là. Et je me dis, mais regarde, là, je traînais ici, au quartier, je faisais rien. Ou putain, là, j'étais perdu, là, j'avais pas de travail. Et là, je me vois, j'ai une résidence étudiante. Je tourne de temps en temps. Ouais, je suis fier. Et je rends fier ma famille, c'est le plus important. Et toi, en plus? Et toi, je suis à bout de force. Et toi, en plus? C'est malsain. Ce n'est pas normal. Sacha, je me sens coupable. Si coupable. Tu ne peux pas te passer de ces mots horribles, lamentables, coupables. Toi, c'est ça, tu es coupable. Alors dis-moi de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse, tout véritable pêcheur. Quand on a créé l'école, on voulait qu'elle soit ouverte vraiment à des gens qui venaient d'ailleurs, voilà, avec une vraie richesse de cette diversité. Mais on s'est dit que sans doute ça ne suffisait pas d'attendre que des candidats arrivent. Et on s'est dit qu'il y a aussi des jeunes qui sont plus en fragilité académique et pour qui, voilà, ils ont envie d'aller vers l'art, vers un métier artistique, mais ils ne savent pas encore très bien lequel. Et on a créé cette classe d'orientation et de préparation. Et on l'a appelée vraiment, de façon très volontaire, d'orientation et de préparation et non pas simplement classe préparatoire, parce que pour nous c'était pas simplement une classe qui devait préparer au concours d'entrée, mais c'est une classe qui a pour but de où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que voilà, comment remobiliser des jeunes. Et du coup voilà, l'année dernière il y avait 8 jeunes qui étaient dans cette classe là ils étaient tous boursiers et on s'est aperçu que au bout d'une année, ben, il y en a 2 qui n'avaient pas le bac qui ont repassé le bac, il y en avait, et sur les 8, il y en a 4 qui sont rentrés dans des écoles nationales supérieures d'art. Et il y en a une qui a aussi intégré la Cinéfabrique. Et je trouve que c'est important que des lieux comme ça, des classes comme ça existent. Parce qu'aujourd'hui, quand on se plaint effectivement d'échecs scolaires, etc., on s'aperçoit que justement la pratique artistique, c'est-à-dire justement ces enjeux de culture, peuvent être aussi des lieux où des jeunes peuvent trouver des choses qui leur correspondent plus. Mais encore, faut-il leur donner un petit peu de temps et d'espace pour le trouver, quoi. Encore. C'est comme si j'avais ingurgité des champignons vénéneux. Parfait. Il faut que tu fasses attention à des choses très techniques qu'on n'a pas pu travailler ensemble sur ce check-off-là. Ouais. Tes finales, absolument articulées jusqu'à la fin de tes mots, et notamment les choses qui se finissent par des féminines, eux muets, je me torture moi-même. Toutes les finales. Je me sens coupable, si coupable. Là, je le force un peu, mais horrible. Il faut absolument articuler jusqu'au bout, sinon, vu que tu parles vite et que tu articules, du coup, ça marche pas. Et pense au volume avec Tchekhov, c'est-à-dire que tu sois timide, que t'aies un peu la trouille, que tu saches pas bien ton texte, que ce matin-là tu sois pas réveillé. Triche. Il faut absolument que tu parles fort. C'est l'énergie qui va te donner le. N'oublie pas, c'est extrêmement tonique, Tchekhov, sinon on se fait chier. Là, j'ai retrouvé un rythme. Donc, il faut absolument que ça m'a redonné espoir en moi. En plus, cette classe, elle permet de découvrir tous les métiers du cinéma. Soit un scénario, production, image, son, montage. Et ça m'intéressait beaucoup, même si je veux être acteur, comédien, mais je suis quand même curieux de savoir ce qui se passe derrière. Et en plus, tu vois, tout le monde ici, le directeur, c'est Claude, est fantastique. C'est comme une grande famille. Et on s'entraide, on se pousse vers l'avant. Et j'ai appris beaucoup de choses, surtout ma culture générale. J'avais une petite culture générale. Je connaissais que le sport. Et là, maintenant, j'ai appris un peu l'art, la peinture, et j'espère en apprendre encore d'ici la fin de l'année. Au collège, en fait, je faisais des cours de théâtre avec ma prof de français à la fin des cours, mais je le disais à personne, en fait. J'avais honte quand même de le dire à mes potes du quartier, parce que je sais que c'est con, mais voilà, j'allais arriver, j'étais jeune, la réputation, quand on est jeune, c'est important, et je me disais, voilà... Je disais que j'allais au foot au lieu d'aller au théâtre. Pour pas qu'on me dise, ouais, t'es une pédale ou je sais pas quoi. Et souvent, une anecdote, une fois, j'étais chez mon père. Et ma mère, elle me suit, mais mon père, un peu moins. Maintenant, oui, mais au début, un peu moins. Et je lui ai dit que je partais au foot. Et j'ai fait exprès de salir mes affaires et de mouiller ma serviette. Alors que j'étais parti au théâtre. Et j'étais rentré. Je suis rentré à la maison. Un peu fatigué et tout. Et de là, bah, j'osais pas, parce que mon nouveau collège ne faisait pas de cours de théâtre, et je n'osais pas aller au conservatoire, parce que c'était trop cher. Et ouais, j'avais peur quand même de me lancer. J'avais un peu peur de me dire, allez. En vrai, la vérité, j'ai peur de ne pas être à ma place. Simplement. Quelle place tu veux dire, par rapport à quoi tu définis? Par rapport à définir, j'ai pas peur de le dire, il y avait moi qui est jeune, arabe de quartier, et tous ceux qui faisaient du théâtre au conservatoire de Bourg-en-Bresse, qui étaient des blancs, français de souche, la plupart familles aisées, parce qu'il fallait payer quand même les cours. Et voilà, je les connaissais pas, j'avais peur de pas m'entendre avec eux. En plus, si je viens dans cette école, je suis nouveau. Donc en plus d'être différent, je suis nouveau, donc moi j'avais peur quand même de franchir ce pas. Et donc tu as abandonné pour un temps le théâtre? Ouais, j'ai carrément abandonné, je suis resté sur le foot. Je salissais mes affaires pour de vrai cette fois-ci. Et l'avenir alors, comment tu le vois maintenant, Shakib? Donc si je suis pris à la Comédie Saint-Etienne, bah, l'avenir c'est les 3 prochaines années à Saint-Etienne, j'espère. À me perfectionner, à apprendre de nouvelles techniques, la gestuelle, l'articulation, d'apprendre de nouveaux romans, de nouveaux auteurs dans le théâtre. Je sens que si je maîtrise, je peux cartonner, en vrai. En fait, je vais tout faire, je suis déterminé. En fait, je sais où je vais, c'est important. Avant, je savais pas, donc j'hésitais un peu. Mais maintenant que je sais, la ligne droite, elle est devant moi et je vais foncer. Allez, dépêchez-vous, il est 7h20. C'est quoi le menu ce soir alors? Alors ça sera salade de fenouil à l'orange, gnocchi aux épinards et ricotta sauce tomate à l'ail, et ou spaghetti à la bolognaise pour les non-végétariens, et poire pochée au vin épicé. Vous êtes chaud? Bon bah c'est parti. Séquence 4. Une cuisine très bien équipée du centre de Lyon. Une enseignante, Sophie, et 6 étudiants affamés et peu fortunés. Tu sais cuisiner? Non, du tout. Pourquoi là? Non, en fait, ça c'est un geste que Sophie m'a appris. Hein. Moi, je sais pas du tout cuisiner. Ah, c'est les étudiants qui ont souhaité avoir des cours de cuisine, c'est ça? Pourquoi? Ah, voilà. Attention. Vous m'avez complètement déconcentré. En fait, il y a un rapport assez clair avec le cinéma. On voit pas tout de suite dans une recette de cuisine, dans le travail d'équipe, suivre des règles avec des gens à différents postes, avec un timing, tout ça. Donc c'est assez amusant de faire le parallèle entre les deux. Et là, ça nous rappelle qu'il y a du travail et de la patience derrière tout ça. Garder une forme d'humilité aussi. Ouais, c'est important. C'est le plus important dans ce qu'on veut faire, l'humilité. Et aussi, en général, Sophie, elle nous apprend à cuisiner le reste du temps de manière économique. Donc là, qu'est-ce que tu prépares, toi? Là, je prépare une sauce bolognaise. Et tu es en deuxième année? Ouais, moi, je suis en deuxième année. Est-ce que tu sens qu'il y a un côté expérimental ou en même temps, vous avez une responsabilité d'élaborer l'école de demain et qui va se pérenniser? Ouais, complètement. Il y a un... Avec des manques aussi, j'imagine. On fait plein d'erreurs, on rate des choses, on se trompe, mais c'est hyper formateur dans le sens où ça oblige à être toujours dans une remise en question. On essuie les plâtres, mais dans une énergie collective. Je sais pas, il y a un engouement, il y a une excitation aussi. Puis c'est vraiment génial de se dire qu'on est à l'origine d'une pédagogie qui va se suivre pour des générations à venir. Là, déjà avec les premières années, il y a eu des conseils que nous, on a donnés depuis notre expérience en première année qui les ont aidés à ne pas faire les mêmes erreurs. Là, on va construire l'école où va être basée la Cinéfabrique de manière permanente et nous, on n'y sera pratiquement jamais. Mais en fait, c'est limite plus enrichissant de la construire pour le bien des années à venir, quoi. Et c'est bien de ne pas être confortable tout le temps. Je pense que ça ressemble au métier qu'on va faire. Oh, on va te laisser retourner au fourneau. Ouais, j'ai rien foutu. Séquence 5, intérieur jour, une pièce en clair-obscur. Travelling arrière sur une réfugiée syrienne de 25 ans, puis plan fixe sur son visage, la caméra est bienveillante, patiente. Al Maqha, inaqun abirun bayna shari'in, hibalun sirriya tashuddu al-dhakira nahwa al-madi. والماضي في جيب عامل السيرك فجأة ستخرج الحكايات كالمناديل البيضاء نحو الشارع يصفق الجمهور بينما تنحني دمعة ملونة فوق المسرحية. Qu'est-ce que raconte ce poème, Alaa? Et tu l'as écrit quand? Quand je suis arrivée en France, après deux mois comme ça, trois mois. J'étais seule comme ça, alors c'était un peu difficile et j'ai passé tout le temps dans la rue comme ça. Après j'ai écrit ça sur la différence entre la connaissance de la rue pour quelqu'un qui est étranger. Et tes parents ne sont plus là? Mon père il était mort il y a un an et demi dans la prison de Bachar el-Assad. Et nous on est partis directement après, trois mois comme ça, on a eu un visa à part de consulat français au Liban, au Beyrouth. On a pris le visa, on est parti. Et ma mère, elle est encore là-bas. On l'a attaqué. Ouais. Avant le mois de septembre, j'étais un demandeur d'asile en France, sans aucun futur. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Claude. Il était en train de faire une série sur les réfugiés syriens. Ils ont demandé de rencontrer des réfugiés. Et c'était moi. Il m'a demandé, je fais quoi? Je lui dis, oui, moi j'ai écrit, j'ai fait des choses comme ça. J'aime beaucoup les cinémas. Et après, il m'a demandé si je veux passer le concours de la Cinéfabrique. Il m'a dit, c'est pas évident, mais on verra si t'as quelque chose à nous montrer. Alors, je lui ai dit, ouais, mais par rapport à la langue, c'est pas très logique parce que je parle pas le français. Elle m'a dit, alors on va demander un traducteur pour toi. Et le reste, c'est à toi. C'était la chance aussi. Parce que sans la Cinéfabrique, je sais pas comment faire. Il faut faire des études de langue avant, un an, deux ans. Et après, j'ai eu des difficultés de communiquer avec les gens. Parce qu'on travaille en binôme, on écrit ensemble et c'est compliqué quand il y a quelqu'un étranger qui ne parle pas la langue. Alors c'est un peu compliqué pour les élèves, mais ça se passe bien et maintenant j'arrive à dire les choses que je veux. Tu as un scénario, donc est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire, de raconter déjà? Il y a des scénarios sur lesquels tu as travaillé, voilà. En fait, moi j'aime beaucoup l'histoire de guerre, les films qui ne se passent pas beaucoup de choses, mais en même temps il se passe des choses, comme le type de Jim Jarmusch, Elia Suleiman, la Palestinien. Mais je ne veux pas travailler maintenant, parce que c'est le plus important pour moi cette année, c'est la langue. Après, l'année prochaine, je vais commencer à travailler en français, parce qu'il ne faut pas travailler encore en arabe là. Il faut oublier l'arabe un peu et commencer à travailler en français. Alors, j'ai arrêté d'écrire en arabe. Et après, l'année prochaine, je vais commencer à écrire en français. Séquence 6. Intérieur jour. Une salle de cours. 6 étudiants et un scénariste. La caméra est fixe sur Vanda. Bien seule, au beau milieu d'une horde de punk picard. Et qui va lire ? Oh la vache ! Ça me fait tartine. Non. Ah mais d'accord, mais c'est fini là donc. Non. Bon. En fait, je veux tout dynamiter, mais on va le lire. Tu veux tout dynamiter ce qui est écrit là ou c'est déjà un dynamitage? Non, c'est pas encore un dynamitage. J'ai fini de l'écrire, je l'ai envoyé, je me suis dit en fait j'ai envie de tout faire péter. Et tu comptes sur tes camarades pour tout foutre en l'air? Exactement. J'espère qu'ils vont être à la hauteur. Ça va, j'ai tâche. Notre méchanceté actuelle. Non, c'est l'édifié. Fais gaffe parce que ça n'a aucune incidence parce que c'est du travail, on bosse, mais. Faut faire gaffe comment tu... Enfin, je veux dire, là, c'est extrêmement détaillé. Et du coup, on se noie, on perd le fil. Je voulais savoir, est-ce que tu as fait un travail de documentation, enfin, des recherches, quelque chose d'un peu pointu un peu, par rapport à l'époque? Un peu, mais en fait, j'ai un problème avec l'époque. C'est qu'à la base, moi, ce qui me plaisait dans l'idée, c'était de réécrire l'histoire. C'était de se dire, et si le punk n'avait pas été inventé par des mecs en Angleterre, mais par des meufs trop vénères au fin fond de la France et qu'on ne le savait pas? Ça peut être ça, elles inventent le punk, mais ça passe inaperçu. Bah oui, voilà, mais c'était ça. Et c'était de dire, en fait, les filles avaient autant de raisons que ces Anglais d'être hyper en colère contre le système. Et pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas créé un art protestataire pour aller avec leur colère? Même ce que j'aimerais bien, c'est qu'au final, elles ne fassent pas du punk des années 70, mais celui des années 90, en fait. Que avant l'heure, elles ont inventé le punk féministe. Parce que dans les années 90, il y a eu tout un mouvement de punk féministe qui chantait des chansons incroyables sur les règles. Et en fait, j'aimerais que cette nana, dans les années 60, où c'est pas possible, elles arrivent et elles faisaient des textes hyper vénères sur « y en a marre, quoi ». C'est barré. Déjà, l'idée même que ce soit comme ça, que le punk se soit inventé, c'est une idée punk. Et du coup, ton film, j'ai l'impression que tu nous fais une promesse à ce moment-là, que tout le film va être dans une énergie... Ouais, plus destructrice et plus... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que j'en suis vachement éloignée pour aller vers un truc gentil qui... Et en fait, j'aimerais que ce soit un film beaucoup plus punk. Et est-ce que on leur volerait pas cette musique, tu vois? Est-ce que les mecs essaieraient pas de se la réapproprier? Est-ce que c'est pas plutôt ça, l'histoire? Dans une première version, elles étaient tellement volées de leur découverte qu'en fait, c'était les Sex Pistols qui leur volaient leur... C'est pas mal, ça. Bah ouais, moi, c'est ce qui me plaisait. Et en fait, je crois que le projet s'est perdu... On l'a empêché de faire ça. Par qui t'a empêché de faire ça? On donne pas de nom. Séquence 7. Extérieur jour. Soleil et son de cloche de race montbéliarde au loin. Louise entre terre natale et terre d'écriture. Gruyère et camembert. Donc ouais, moi j'ai travaillé sur un sujet plus rural. Et je peux vous lire un petit morceau, c'est pas du tout le film, mais c'est le contexte du film, c'est ce qui s'est passé dans les années 50 et le film va être aujourd'hui, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important. Donc je peux lire. René et Fred sont les meilleurs copains, ils travaillent tous les deux dans la fromagerie productrice de Gruyère à Crécia. Ils sont 5 à travailler là-bas, Fred et René sont les deux jeunes de l'entreprise. Ils ont 20 ans et font les 400 coups ensemble. De temps en temps, ils font du marché noir de mules de Gruyère qu'ils revendent. Un jour, René se fait choper par le fromagerie propriétaire des fromages Gruyère Il est expulsé de la fromagerie et jugé. Il fait quelques mois de prison et quand il finit sa peine, il décide d'ouvrir une fromagerie qui va produire du camembert par vengeance, qui va faire concurrence aux gruyères et à leur société de fromagerie ancrée dans la région. Fred et René ne se parlent plus du tout depuis cette affaire. Le village va se scinder en deux, les sympathisants gruyères et les sympathisants camembert. Fred s'est fiancé avec la fille du fromager gruyère, Monique, dont Raoul, le frère de René, était fou amoureux. Ils se voient en cachette, mais Fred les voit et leur tombe dessus. René intervient et s'ensuit une énorme baston qui tourne mal, dans laquelle René se blessera assez violemment dans les barbelés. Suite à cela, Raoul vit dans la culpabilité d'avoir causé du tort à son frère et il n'osera plus voir la Monique, qui l'attendra des années, lui envoyant des lettres d'amour sans réponse. Et donc on comprend que 50 ans plus tard, Raoul n'avait jamais lu ses lettres d'amour et qu'il est complètement encore amoureux de la Monique et qu'il va essayer de la reséduire à 75 ans, alors qu'il y a encore une tension entre les gruyères et les camemberts 50 ans plus tard, à Crécia. T'es inspirée par quoi ce scénario, Louise ? Bah en fait, ça c'est une histoire vraie qui a eu lieu dans mon village dans les années 50. Et encore aujourd'hui, on peut pas en parler. Les vieux du village, c'est un sujet tabou, il faut pas en parler. Et moi, ça m'a intéressée. Je me suis dit, moi, je veux creuser cette histoire. Et j'ai appris qu'on se mariait pas entre gruyère et camembert. Et voilà, donc je me suis dit, mais si des gens étaient amoureux entre gruyère et camembert, qu'est-ce qui se passerait? Et donc j'ai imaginé une sorte de Roméo et Juliette rurale, quoi. Et donc de Crécia à la Cinéfabrique de Lyon. Quelle trajectoire, Louise, comment vous êtes arrivée ici? Grâce à mes bourses, et je suis partie à Paris pendant 3 ans, à la Sorbonne, où j'ai fait une licence de cinéma, là-bas. Et donc après, j'ai fait aussi un atelier égalité des chances à la FEMIS, et donc j'ai tenté aussi le concours de la FEMIS et de la Cinéfabrique, et j'ai tout simplement pas été prise à la FEMIS et été prise à la Cinéfabrique. Et moi, ce qui me convient mieux, je pense, c'est le côté... On construit avec le directeur, avec les gens de l'administration. On est très, très en lien avec eux. Et on est très entendu et très écouté. Et ça, c'est hyper agréable parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait une hiérarchie installée. Et après, moi, j'ai passé les 2 concours. J'ai mieux vécu celui de la Cinéfabrique parce qu'il est très basé sur comment on travaille ensemble et moins sur « prouve-moi ce que tu vaux ». En fait, le concours est basé sur l'entraide et pas du tout sur la compétition, à l'inverse là, de la FEMIS où c'est vraiment un concours qui est basé sur qui est le meilleur. Mais voilà, c'est un peu une des différences du concours. Et ensuite, c'est vrai qu'on a une énorme bienveillance entre nous ici. Et je pense du fait aussi qu'on est autant impliqué dans le projet de cette école et on est très bien accompagné. Et donc, il n'y a vraiment aucune compétition entre nous. Sûrement que ça arrivera peut-être à un moment, mais... Je pense que j'y serais mieux préparée si j'ai pris confiance en moi que si, dès l'apprentissage, on me met dans ce rapport de concurrence avec les autres, quoi. Donc la Monique, peut-être au cinéma, il n'y a pas trop d'histoire rurale. Bah ouais, moi, c'est ce que j'aimerais bien faire, c'est justement apporter un peu des sujets nouveaux dans le cinéma. Et je trouve qu'on parle très peu de la campagne, ou on en parle mal, parce que le cinéma aujourd'hui, il est très parisien, et c'est normal, parce que tout est centralisé là-bas. Et donc je pense que le projet de cette école, c'est de s'en éloigner un peu et de proposer des sujets un peu différents. Et moi, j'aimerais bien parler de ce qui me parle et donc d'un univers beaucoup plus rural. Donc ce serait un retour à Crécia, alors, finalement. Mais tout va dans le sens d'un retour à Crécia, ça, vous devriez le savoir. Plan large sur l'école de la Cinéfabrique. Avec les étudiants Louise, Nicolas, Suzy, Elsa, Armen, Vanda, Shakib, Ala, le directeur de la Cinéfabrique Claude Mourieras et l'acteur et scénariste Emmanuel Salinger. Prise de son, Jean-Pierre Pernel, Benjamin Chauvin et Chantal Nouvello. Mixage, Bernard Laniel. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anna Schmuck. Noir.